est heureux, on tape les pieds. Quand on est heureux, on tape les pieds. C'est la grande joie de vivre, de sourire et de chanter. Quand on est heureux, on tape les pieds. Tape des pieds, tape des mains, tape des pieds, tape des mains, tape des mains, tape des pieds, mains, mains, pieds, pieds. Comment on fait? Quand on est heureux, on claque des doigts. Quand on est heureux, on claque des doigts. C'est la grande joie de vivre, de sourire et de chanter. Quand on est heureux, on claque des doigts. Quand on est heureux, on siffle un air. Quand on est heureux, on siffle un air. C'est la grande joie de vivre, de sourire et de chanter. Quand on est heureux, on siffle un air. Claque des doigts, siffle un air. Tape des mains, tape des pieds. Tape des mains, claque des doigts, siffle un air. Tape des pieds. T'as compris comment on fait? Oui. La grande joie de vivre, de sourire et de chanter.